Bonjour à toutes et à tous, je suis de retour pour une nouvelle session musicale et aujourd'hui, contrairement aux autres fois, on ne va pas faire le tour du globe, confinement oblige, on va rester à Nantes. Ainsi, je vous ai concocté une petite playlist de sons 100% made in Naoned City. Et on va varier les plaisirs puisqu'on va écouter du rap, de l'électro, du dub, du punk, etc. Pour commencer cette musicale tout en douceur, on va d'abord écouter un son dans un esprit feel good, cuisiné à la sauce hip-hop. Il s'agit de Nice Day, de Tout Relatif. C'est un morceau qui fait partie de son premier EP, Good Mood, sorti en 2019. Puis on enchaînera avec du rap, avec Nantes City Sanglante, de Ilias, en featuring avec Sylvia. Il s'agit de la première piste de son album, Deux temps trois mouvements, sorti en 2017. Allez, c'est parti avec A Nice Day, puis Nantes City Sanglante. La tête si tu kiffes, mais ce son c'est pour mes black fils, le black fils glisse, hein. Je viens écrire notre hymne, alors attends, attends la prochaine rime, avant de faire la victime. Django mon négro, y'a pas de joker, qu'un seul gros, c'est comme au poker, si tu mises l'eau, tu risques de tout perdre, on n'est pas tous avec des couilles, hein. Mais après 400 ans d'embrouille, faudrait ressortir les dépouilles. Même si la tendance est à l'esquisse, plaît et respire. L'air pur de ma ville, moi je respire. Mais quand je me balade, souvent je glisse sur du sang d'esclavis, sur du sang d'esclavis. Nantes City sanglante, ah ouais ma ville, slave, asile, à vous la vie, écoule la story, peu m'entendre. Nantes City sanglant. Non, si tu sanglant. Ah ouais, ma ville, slave. Asile, à vous la vie, colato et peu bandant. Non, si tu sanglant. C'est pour métis, mais réaliste. Subissent pas, bouge ta tête si tu kiffes. Ouais, ce son c'est pour mes nantes et fils. Le sang et l'encre versée dans mes versets. Pour Béguin, c'est d'ailleurs c'est mon anniversaire. Juillet, République bananière sur la bannière. Demande à Voltaire, pauvre con, si sa philo va te perdre avec ses actions. Dans la traite négrière, les fils de lâche font de belles carrières. Et l'esclavage prospère jusqu'à la marche arrière. Adam Atarien, lever les barrières, le sablier est mort, acheter la sablière. Non, si tu sanglant, ah ouais, ma ville, slave, asile, à vous la vie, écoule la tour, il peut m'entendre. Non, si tu sanglant, non, si tu sanglant, ah ouais, ma ville, slave, asile, à vous la vie, écoule la tour, il peut m'entendre. Non, si tu sanglant. Et on enchaîne sans plus attendre avec un morceau de rap conscient, On les laisse faire, de Law School, sorti en 2011 dans l'album This is a Law School Project. On les laisse faire, oh je sais moi le premier. J'ai laissé mes vieilles envies tout cramer dans le grenier. Et je les laisse faire. On désespère, peut-être même que moi le premier. Je rêve de voir l'orage tomber depuis le temps que je l'entends grogner. Mais je désespère. Mais qu'est-ce tu veux qu'on fasse? Comment combattre les pouvoirs en place? Quand les vrais boss ne sont pas les types auxquels on pense. Pas ces chefs d'état qui affichent leur face dans la presse people. J'ai tant l'impression de me faire mettre, j'en ai presque les fesses qui collent. Partout les larmes et le sang coule à flot. Une guerre, une crise économique et leur compte se rend flou. Et ils nous diront fous quand enfin on ouvrira les yeux. Qu'on se pointera tous au pied de leur tour de verre pour y foutre le feu. Je le sais depuis longtemps et je me doute bien que je perds mon temps à me faire du mauvais sang et à brailler dans le vent. Mais tant qu'on me laisse faire. On les laisse faire, oh je sais moi le premier. J'ai laissé mes vieilles envies tout cramer dans le grenier. Et je les laisse faire. On désespère, peut-être même que moi le premier. Je rêve de voir l'orage tomber depuis le temps que je l'entends grogner. Mais je désespère. Et leurs pensées brunies comme les chemises en Italie à une époque. Depuis siffler pour ma fille, mes fils et puis leurs potes. Déjà j'entends le bruit des bottes dans les beaux couloirs des plus hautes sphères. Tout ça jacte entre le pont du cours de l'or noir du kilo de chair. D'où le statut sur notre sort en crapotant des barreaux de chaises. Et stab des barres de rire nous matant lutte épice et sur les braises. Des foyers qu'ils ont allumés aux quatre coins de la planète. Les pires lascars portent costard, cravate, menottes à la mallette. Détiennent les clés de la navette et les lâcheront pas, sois-en sûr. S'éclatent avec les manettes en nous conduisant droit dans le mur. Et va pas croire qu'ils font partie de ceux que la justice rattrape. Elle aussi se laisse faire quand ils la mettent à quatre pattes. On les laisse faire, oh je sais moi le premier. J'ai laissé mes vieilles envies tout cramer dans le grenier. Et je les laisse faire. On désespère, peut-être même que moi le premier. Je rêve de voir l'orage tomber depuis le temps que je l'entends grogner. Mais je désespère. Your heart. On vient d'écouter Holiday, sorti il y a plus de 8 ans déjà, sur l'album Des ombres et des empreintes de Salix Beatmaker. Alors je sais, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait écouter plein de styles différents, et puis là je vous passe que du hip-hop et du rap. Alors pour remédier à tout ça, on va écouter une petite chansonnette bien rigolote de Momo fait des chansons, avec son morceau Mon chat. Et oui aussi, je vous ai préparé une petite surprise faite maison. C'est un nouveau jingle que je me suis bien amusé à faire. Je vous le passe tout de suite après la chanson et j'espère que vous l'apprécierez. Dans mon petit jardin de citadin, j'ai planté des œillets. Le chat pisse dessus, mes œillets sont morts. Dans mon petit jardin de citadin, j'ai planté une azalée. Le chat a pissé dessus, l'azalée a crevé. Mais qu'est-ce qui bouffe ce chat pour faire crever toutes mes fleurs? De l'ail ou bien de la morora, moi je sais pas. C'est un vrai pesticide, ce matou, une peste félide. Et ça m'a fendu le cœur, mais je plante plus de fleurs. Dans mon petit jardin de citadin, j'ai planté des radis. Le chat les a bouffés, mais pourtant je le nourris. Dans mon petit jardin de citadin, j'ai planté des brocolis. Le chat les a bouffés, est-ce que je bouffe ces souris, moi? Mais qu'est-ce qu'il a ce chat à bouffer tous mes légumes? Il est végétarien ou quoi? Moi je sais pas. Il délaisse ses croquettes pour dévorer mes blettes. Alors à grand regret j'arrête le potager. Dans mon petit jardin de citadin, j'ai planté des rosiers, des orties et puis aussi des plantes vénéneuses. C'est devenu l'Amazonie, je n'y mets plus les pieds depuis que j'ai failli me faire bouffer par un de mes rosiers. Oui mais le chat lui il s'en fout, il reste sur le sofa, ne bouge que pour aller bouffer mes plantes d'intérieur. Pour mettre fin à tout ça, j'ai planté de l'herbe à chat, mais ça il n'y touche pas car mon chat c'est un chieur. Bon elle était bonne là. Casse-toi. Radio Cahiers. It's back. Radio Cayenne, 131.2. Let's get it. Let's get it. Let's get it. Let's get it. Let's get it. Let's get it. Let's get it. Let's get it. Let's get it. Let's get it. Let's get it. Let's get it. Let's get it. Let's get it. Let's get it. Let's get it. Let's get it. Let's get it. Thank you. C'était Connex de K-Ox, tiré de l'EP K-A-T-V-N-A, sorti en 2017. Et on va continuer notre petit tour de Nantes avec une chanson de Haymarket, Ode to Revolution, de l'album Friendly Advice to the Poor. Et là, ça tombe bien, puisque j'ai le petit livret qui accompagne cet album. Et à l'intérieur, on peut y lire que Ode to Revolution, c'est l'histoire d'un quinquagénaire qui fait le bilan de sa vie intellectuelle et militante. C'est l'histoire d'un gars qui attend que la révolution redevienne une perspective pour les travailleurs et travailleuses. C'est l'histoire d'un gars qui déprime parce qu'il vieillit et désespère autant de lui-même que de ses contemporains. Alors certes, c'est pas une de leurs chansons les plus joyeuses, mais c'est une des plus belles. Chatangu fanakane, ngati mushu, Ngati mumfula Ngati mumwini Ngati mumpimpa Misamuna mona Na mina bwabana ya jibweli tama Mieri menji tukulu zala na zonza Chimani lwaka umona wakuteketa Yamanu anawa zonza Kele kaka jampa mulanda mambu Kanda jamu bela Luya lulu atomba Nunini nuni ya zonza kwa Kuchika zonza nerezu Nuni yela muzonza Bakirimu Zala na zonze Namu bakirimu Nuni zonza Bakirimu Zala na zonza Namu bakirimu Nuni yela muzonza Bakirimu Zala na zonza Namu bakirimu Nuni zonza Bakirimu Buni bula mbembo Chileka bunta masolota Natibu mwanga sekwa makanda Chileka bunta masolota Natibu mwanga sekwa tiengi Uneki nzala na kuta Uchimeki nzala na tao Uchimeki nzala na kuta Uneki nzala na tao Uneki nzala na kuta Uneki nzala na tao Namana sonza kwani Namana wata Namana sonza kwani Namana wata d'écouter Boutieleka du groupe franco-congolais Seka, composé de 6 musiciens et musiciennes. Cette chanson a été postée il y a de ça 4 ans sur SoundCloud. Et maintenant, on va s'écouter un peu de dub avec le morceau Maisha Soja de Dryland, tiré de l'album Origin, sorti en 2018. Thank you. On arrive bientôt à la fin de cette session musicale, les amis, puisqu'il ne me reste plus que deux sons à vous faire découvrir. Le premier, c'est La Fille de l'Air, tiré de l'album Phase Maniac du groupe Leponex. Et le second, ce sera Arabian Disco de Jay Ernest. Thank you. Voilà, notre petit tour musical à Naoned est terminé. J'espère que ça vous a plu. De mon côté, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, à la prochaine. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas... There's only one hope to save the world.